Mais l'hiver approchait, tout le monde retournait à la ville, et la campagne devenait déserte. Elle me proposa de reprendre une maison à Paris. Je n'y consentis point, mais pour la satisfaire en quelque chose, je lui dis que nous pouvions y louer un appartement meublé. Ce changement mit bientôt le dernier désordre dans nos affaires, en faisant naître deux aventures qui causèrent notre ruine. Manon avait un frère, qui était gardé du corps, logé à Paris, dans la même rue que nous. Il fit sa maison de la nôtre. Et il se rendit le maître, en quelque sorte, de tout ce qui nous appartenait. Il m'appelait son frère. Et, sous prétexte de la liberté fraternelle, il se mit sur le pied d'amener tous ses amis dans notre maison de Chaillot et de les y traiter à nos dépens. Il se fit habiller magnifiquement à nos frais. Il nous engagea même à payer toutes ses dettes. Je fermai les yeux sur cette tyrannie pour ne pas déplaire à Manon, jusqu'à feindre de ne pas m'apercevoir qu'il tirait d'elle, de temps en temps, des sommes considérables. Il est vrai qu'étant grand joueur, il avait la fidélité de lui remettre une partie lorsque la fortune le favorisait. Mais la nôtre était trop médiocre pour fournir longtemps à des dépenses si peu modérées. Leur servante vient leur apprendre que leur maison de Chaillot a brûlé avec leurs économies. Je connaissais Manon. Elle aimait trop l'abondance et les plaisirs pour me les sacrifier. Je la perdrai, malheureux chevalier. Tu vas donc perdre encore tout ce que tu aimes. Cette pensée me jeta dans un trouble si affreux que je balançai pendant quelques moments si je ne ferais pas mieux de finir tous mes maux par la mort. Ne sachant comment réparer sa fortune, Desgrieux décide d'aller consulter Lescaut, le frère de Manon. Je lui parlai du jeu, comme du moyen le plus facile et le plus convenable à ma situation. Il me dit que le jeu, à la vérité, était une ressource, mais que cela demandait d'être expliqué. À moins de s'associer avec les tricheurs professionnels qu'il connaissait, c'était ma perte assurée. Il me promit néanmoins ses bons offices auprès d'eux, et, ce que je n'aurais pas attendu de lui, il m'offrit quelque argent lorsque je me trouverais pressé du besoin. L'unique grâce que je lui demandai, dans les circonstances, fut de ne rien apprendre à Manon de la perte que j'avais faite et du sujet de notre conversation. Assez désappointé par cet entretien, Desgrieux songe à recourir à Tiberge.